بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وعليكم السلام ما الباب الذي أخذناه أمس الدعوة إلى الشهادة الأبل إلى الشهادة وماذا اشترط في هذه الدعوة لشوف كيف ركيز في الدعوة العلم بل قبل العلم خلاص أدعو إلى الله جبل الله et non pas à autre chose ni à moi ni à un hizb ni à une maslaha ni إلى غير ذلك ثم العلم نعم على بصيرة la clairvoyance وهذا ما أخذ من الأدلة الأخرى lorsque le Nabi صلى الله عليه وسلم envoyé Mu'adh أين le Yémen et qu'est-ce qu'il lui a dit de dire aux gens du Yémen le shahad et le tawhid thumma نعم الصلاة الزكاة كرائم أموالهم et bien qu'ils leur sont chers وأخذنا كذلك حديث سهل بن سعد qui s'est passé avec Khaybar يعني من أعطي الرواية qui c'est qui a eu l'étendard نعم نعم هذا طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى في الباب الجديد قال باب تفسير التوحيد والشهادة أن لا إله إلا الله qui est le chapitre de l'explication du tawhid l'attestation de la ilaha illallah on a le murad ويعتقد أن الله واحد في ألوهياته la croyance que Allah est unique dans sa divinité هذا هو المقصود من هذا الباب c'est-à-dire qu'après que par rapport au bab précédent que tu appelles à la shahada maintenant il faut expliquer cette shahada ما معنى هذه الشهادة وهذا الباب il va démontrer يعني معنى النفي والإثبات et c'est un tamhid pour les abwab qui vont suivre par la suite ce bab là est considéré comme étant une porte principale quand même de la ilaha illallah et toutes les abwab qui vont suivre par la suite sont les tafasil dans la ibada quand est-ce que c'est la ibada quand est-ce que c'est du shirk c'est une porte qui ouvre d'autres portes qui vont arriver par la suite tout est bâti par rapport à ça la ilaha illallah وقول الله تعالى أولئك الذين أولا طيب avant ça ce qu'a dit الشيخ بن باز رحمه الله تعالى المقدمة de ce bab قال بين المؤلف هنا تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله بما يوافق لفظها وبما يضيدها أو يضادها لأن الشيء يعرف بضده donc il a dit que là le مؤلف il veut pour éclaircir le sens de la إله إلا الله de la شهادة C'est-à-dire les choses qui seront en conformité avec la prononciation de cette attestation. Ce n'est pas une chose seulement verbale. Il y a des choses qui vont avec. Et également pour démontrer ce qui s'y oppose. Car on ne peut connaître une chose si ce n'est en connaissant son opposé. Une chose, tu connais la réalité quand tu connais son opposé. Adam Arouf. وذكر هذا الباب لتعريف حقيقة التوحيد. وحقيقته هو إفراد الله بالعبادة وتخصيص بها وبجميع أنواع العبادة هو إفراد الله بالعبادة وتخصيصه بها وبجميع أنواع العبادة فتؤمن بذلك بالقلب وتعمل بالجوارح donc il dit que le Mu'allif a cité ce chapitre pour connaître la réalité du tawhid, qui est le fait d'unifier Allah dans l'adoration et de le spécifier, on dira comme ça, par toutes les formes d'adoration, de croire en cela dans ton cœur et de l'appliquer par les actes, par tes membres. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. Il dit donc ceux-là qui invoquent et qui recherchent vers leur Seigneur le moyen d'être le plus proche de lui. Et ce verset à la base est précédé par un autre verset, ça c'est dans sourate Al-Isra, voyage nocturne, verset 57, expliqué par le verset d'avant qui est قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف ضر عنكم ولا تحويلا. Qui est invoquer donc ceux que vous prétendez en dehors de lui, ils ne possèdent pas le moyen d'enlever un mal ni même de le déplacer. Et le verset ensuite cité par l'auteur vient à la suite pour dire que ces gens-là même que vous invoquez, comme cela va venir, eux-mêmes cherchent à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. فقال فدعاء من لم يدرك كشف الضر او جلب النفع من دون الله هذا والشرك وضده والتوحيد. Donc il dit le fait d'invoquer, et là c'est quel dua? Dua al-mas'ala, même de la demande. Dua al-mas'ala. Donc le fait d'invoquer une personne qui ne peut enlever un mal ou apporter un bien en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela est du shirk. Ils sont opposés le tawhid. Donc par rapport à sa parole, qul ud'u, c'est-à-dire dit, invoque, c'est-à-dire qul ya Muhammad ha'oula ud'u alladhina za'amtum. Dit Muhammad à ces gens-là, invoquez donc ce que vous prétendez, c'est-à-dire faites-le. Et ça, c'est un appel au défi en fait, en guise de réprimande. Faites cela, faites, toujours. C'est-à-dire ces divinités que vous adorez, que vous invoquez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils ne possèdent aucun moyen d'enlever un mal, ni partiellement, ni totalement. Wala tahwila, ni même de le déplacer, c'est-à-dire de faire que, par exemple, tu as un mal quelque part, le faire aller ailleurs. Et ces choses-là ne reviennent qu'à qui? Le seul qui est capable de faire cela, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout. Donc ce verset, à la base, est descendu sur des gens, des mouchidekouns, qui invoquaient les djinns. Parmi les tafasir qui ont été donnés, que des gens invoquaient des djinns, et que ces djinns, par la suite, sont soumis à Allah, subhanahu wa ta'ala, sont rentrés en islam. Donc après, ils ont cherché à se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc il a dit, vous les invoquez, et eux, ils sont là en train de se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ce que vous faites là, c'est complètement inutile et futile. Et il a été dit également qu'il s'agit de Isa, alayhi salam, de sa mère Mariam. Par rapport à ceux qui invoquent Isa alayhi salam et sa mère Mariam, qui disent que, en français, comme ils disent, Marie, la mère de Dieu, il y a une prière qui s'appelle Je vous salue Marie, il est connu, je l'ai appris quand j'étais petit, au catéchisme, dans lequel tu invoques purement Marie comme étant la mère de Dieu. A'ouz billah. Et ils t'apprennent cela. Leur croyance est totalement incohérente. Après qu'ils aient attribué à Allah un fils, en disant que c'est Isa, après ils ont dit que Isa c'est Allah, donc Mariam c'est la mère d'Allah. C'est complètement mélangé, complètement confus, et c'est du kufr pur. Quoi qu'il en soit, ce verset il est âme. Lienna al-ibra bi'umum al-love wa labi. Car en réalité, un verset, on le prend pourquoi? Par la généralité des termes employés dans ce verset, et non pas pour la raison pour laquelle il est descendu. Celle-ci t'éclaircit encore plus, mais le verset, tu peux le prendre pour autre que cela. Donc là, ce verset concerne toute personne qui viendrait invoquer autre que Allah, parmi les créatures qui veulent se rapprocher d'Allah, comme les malaïka, comme les anbiya, comme les salihin. Tout cela que vous invoquez en dehors d'Allah ne peuvent rien pour vous. Et eux-mêmes cherchent à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, on ne vise pas par ce verset les asnam. On vise par là des créatures vivantes. Et à la fin du verset, il dit « Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhabah ». qu'ils espèrent sa miséricorde et ont peur de son châtiment. Car ils sont des serviteurs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils ont peur de ce dont il faut avoir peur. Ils espèrent ce qu'il faut espérer. Et ces deux choses-là, cette rahma, il n'y a que Allah qui l'a. Donc c'est Raja et Mashrou, l'espoir qui est légiféré. Et ce azab, seul Allah peut te l'infliger. Donc ça c'est Al-Khawf, Al-Mashrou, Al-Ibada. C'est la peur qui est légiférée également. Donc comment vous, après cela, pouvez-vous donc rechercher secours auprès de ces créatures ? Thumma l'auteur, il dit, وَقَوْلُهُ تَعَلَى وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِيَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي. Surat al-Zukhruf, l'ornement 27. Dans le sens où Allah dit, lorsque Ibrahim dit à son père et à son peuple, je suis certes innocent de ce que vous adorez, hormis celui qui m'a créé. Hormis celui qui m'a créé. فهذه الآية هي معنى لا إله إلا الله النفي والإثبات. إبراهيم a renié ce qui est adorant dans Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le معنى لا إله. Après il a dit إلا الذي فطرني, sauf celui qui m'a créé. Ça c'est إلا الله. معنى لا إله إلا الله. Ce verset explique bien. فبين ان معنى التوحيد البراءه من عباده غير الله وانكارها واعتقاد بطلانها والرد عليها والتوحيد لله وحده بجميع انواع العبادات. Donc ce verset là te démontre qu'il faut désavouer toute adoration pour autre que Allah et la blâmer et avoir pour croyance qu'elle est fausse et la réfuter et que le tawhid n'est que pour Allah sous toutes ses formes avec les adorations. Donc le faux, qu'est-ce que tu fais? Tu le désavoues, tu le renies, tu le blâmes, tu dis que cela est mauvais. Et par la suite, tu as dans ton cœur cela pour croyance, que cela est faux. Et tu le réfutes. Hada wa tawhid. Comme on disait hier dans le dars de la da'wah, quand tu as affaire à un kafir, tu désavoues sa personne. Comme d'autres versets se l'ont expliqué. Et ce n'est pas seulement tu dis, parce que des gens disent nous, on renie son mal, mais lui on a un contrôle, on dit non. Kamadia fi ayat ukhra, qala inna bura'a mimma ta'buduna min dunillah, kafarna bikum, kafarna bikum. Nous avons mécru en vous et en ce que vous adorez en dehors d'Allah. Donc ce n'est pas seulement la personne, c'est la personne et sa croyance. Et également, dans ton cœur, tu as pour croyance que cette croyance, elle est fausse. Et tu la réfutes. Parce que déjà ils prennent lakum dinukum waliyadin dans Sourate al-Kafirun. Hein? À eux leur religion et à la mienne et à moi mon religion. C'est-à-dire, faites votre vie, je fais la mienne, pas de problème. Je dis non, c'est pas ça la da'wa al-tawhid. Le début du verset, le début de la sourate, il le dit bien. La a'budu ma ta'budun. Je n'adore pas ce que vous adorez. Et après, tu ne peux pas te contenter de cela et prendre en apparent. Il faut voir les autres versets qui viennent expliquer. C'est-à-dire, tu adores autre chose, et ce que tu adores, c'est vain, et ce que tu adores, c'est faux. Et je m'en désavoue. Donc, le kafir, quand tu le fais darwa, qu'il comprenne qu'il est sur le faux. Pas seulement qu'il est différent de toi, ça, il le sait qu'il n'est pas comme toi. Mais lui dire, ta différence, en plus, moi, je suis sur le haq, toi, c'était sur le batil. Et tant que tu ne lui auras pas dit ça, il ne va pas trop réagir. Il va dire, on respecte les opinions. Toi, tu as ton opinion, moi, on se respecte. Ne m'impose pas. Je ne peux t'imposer, mais je peux t'exposer. Que ce que tu fais, c'est faux. Et de là, j'aurai un comportement qui va en découler que je ne marcherai pas avec toi. Je ne serai pas ton ami. Je ne serai pas ton sahib. Tu ne verras pas de moi d'amitié, ni encore moins de fraternité. Il faut qu'ils comprennent cela. Qu'ils sentent qu'il est délaissé. Après, s'ils vont comprendre pourquoi, tu lui expliques. S'il veut pas, tu le laisses. Mais il aura compris que toi et lui, c'est barrière. Comme on dit, khat ahmar, c'est zone rouge. Si jamais tu as un haq, je te le rendrai. Mais dire que toi et moi, on est amis, qu'il y a une relation entre nous, il n'y en a pas. Il n'y a rien entre toi et moi. Tant que tu ne feras pas sur ma croyance et que tu ne vas pas délaisser ta mécréance et ton shirk. Et ça, c'est dur. Surtout avec les parents, quand tu as des parents qui sont des koufars, de leur dire clairement les choses. Mais c'est ça, là, tu veux vraiment, tu aimes tes parents, c'est les koufars, faut que tu leur dises. Ton père, ta mère sont au bord du Jahannam, tu ne leur dis pas. Tu ne leur dis pas. Quel amour c'est cela? Demain, il y aura un serpent sur leur lit. Tu vas dire, rentre pas dans le lit, il y a un serpent dans le lit. Tu vois ta mère dans le lit, tu l'attrapes même par la main, tu l'attires. Tu dis, maman, on va pas dans le lit, il y a un serpent dans le lit. Ton père, pareil. Ça, c'est un serpent, c'est-à-dire il va te piquer et il peut te nuire physiquement. Que dire du feu de Jahannam? Éternellement, tu ne leur dis pas cela. On dit un serpent, allez, rien qu'une aiguille. Tu dis à Ommi, dans le lit, il y a une aiguille, fais attention. Si tu te couches, il va te piquer, elle va te faire mal. Et pourtant, c'est minime, une aiguille. Tu vas lui dire tout de suite, parce que tu l'aimes, tu ne veux pas qu'elle ait mal. Ton père, pareil, même un autre être humain, en dehors de tes parents, il y a un danger devant lui, tu dis, attention, là, il y a un truc. Par exemple, il y a un trou, là, dans le chemin. Fais attention, quand tu marches, il y a un trou, tu vas tomber. Tu vas lui dire. Même un café, tu vas lui dire. Attention, il y a un trou, là, dans le... Alors, que dire, Harry, du feu, de l'enfer, éternellement? Tu ne lui dis pas. Les choses, elles sont retournées, là. Donc, avoir les bonnes leçons des choses. C'est ça, être un ancien. Quelqu'un qui conseille. Il veut ton bien. Même si tu n'aimes pas, il veut ton bien. ثم قال قال المؤلف وقولوا تعالى اتخذوا أخبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله سورة التوبة qu'ils ont pris leur rabbin et leur moine comme seigneur en dehors d'Allah. Ça, il a un bab khas qui va venir par la suite qui est ta'at al-umara fi al-tahrim wa al-tahlil fi ghayri ta'at Allah. Ça va venir, le fait d'obéir aux gouverneurs ou aux hommes ou aux ulama dans ce que Allah tu le obéis dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un bel prose qui va venir, on en parlera inshallah. Ça, c'est parmi les points comme quelques jours on a cité dans lesquels le sunni son tawhid peut être entaché là-dedans aussi, l'obéissance et le taqlid des ulama, comprendre c'est quoi un alim et à quoi il t'appelle et savoir quand prendre le kalim du alim et quand ne pas le prendre. Ça va venir inshallah dans son bel. Donc là, Inch'Allah, on va passer. Après, on revient au verset. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Parmi les hommes, certains prennent des égaux en dehors d'Allah et les aiment comme on aime Allah. Donc là, ce verset revient par rapport à démontrer. قال الشيخ هذا أيضا من تفسير التوحيد وبالضد وهو عن الذين يتخذون أندادا يحبوهم ويعظموهم ويدعوهم ويستعيذ بهم ويحبهم حبا خاصا يقتدي عبادتهم من دون الله هذا هو الشرك الاكبر والله ذم هؤلاء وتوعدهم بالنار كما في الاخر في اخر الايات كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Donc ça il dit également, ce verset parle de la mahabba, de l'amour, qui est un tafsir de tawhid et de son opposé, qui est ceux qui ont pris des égaux en dehors d'Allah, qui les aiment d'un amour shirki, c'est-à-dire avec du ta'zim, qui les invoque, car tu ne peux invoquer que ce que tu aimes. L'isti'afa, la recherche de secours, tu ne la fais parce que tu aimes, parce que tu l'aimes, d'un amour spécifique qui implique une adoration pour lui en dehors d'Allah. Et ça, c'est du shirk akbar. On dit l'isti'afa bi dans une chose que seul Allah peut accomplir, toujours. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a blâmés et les a menacés du feu. Du plutôt, non, il leur a promis le feu. Comme dans la fin du verset, ce même verset, il dit, dans le sens, et c'est comme cela que Allah leur montre leurs œuvres qui seront une perte pour eux et qu'ils ne sortiront pas du feu. Ils y seront éternellement. Pourquoi? Pour cet amour. Ils ont un amour, ils ont fait des égaux en dehors d'Allah, ils les ont aimés comme on aime Allah, ou peut-être même d'un amour plus grand que celui des mu'minins pour Allah. Donc cet amour est une ibada. La mahabba al-aqsam. L'amour est de différentes catégories. Tu as la mahabba qui est l'illah. Khassa bi, ça c'est une ibada. La mahabba ma ta'zim wa tazallul. Roya tazallul. C'est l'ibada, c'est le summum de l'amour. Cet amour qui n'est que pour Allah. Tu ne peux l'avoir pour autre que pour lui. C'est un amour qui a ta'zim. Si tu ne l'as pas pour autre que pour Allah, tu auras fait du shirk. Et alors dans le tawhid, tu as l'amour, al-mahabba, al-atiya, tabi'iya, l'amour naturel, comme l'amour des parents, l'amour des enfants, l'amour des proches, l'amour de l'épouse, l'amour des ashab. C'est un amour naturel. Cet amour, lui, n'est pas du shirk. Toi qui ne viens pas au sein du ta'zim. Et quand bien même tu viendrais à désobéir à Allah à cause de cet amour, par exemple, tu obéis à ton père, dans une chose que Allah interdit, c'est une marsiya, c'est pas le shirk. En dehors de cela, si tu fais cela parce que tu aimes ton père, tu n'oses pas enfreindre son ordre, ça c'est une marsiya. Ta femme, tu l'aimes trop, tes enfants, tu les aimes trop, au point que tu tombes dans le péché. Ça c'est de la marsiya. Amour naturel. À la base, cet amour, il est permis, mais tu n'as pas enfreint le loi d'Allah pour lui. Sinon, tu tombes dans la marsiya. Tu as al-mahabba allati hiya lillah. L'amour qui est pour Allah. Ma'na hadha, que tu aimes ce que Allah il aime et que tu détestes ce que Allah déteste. Hadha wal wala wal bara. L'amour des aveux. Et cela également c'est une ibadah. Elle rend dans le tawhid. Bel, hiya al-urwatul wufqa. C'est l'once la plus ferme, comme a déjà fait hadith. Ça c'est min kamal al-iman. Tu vas compléter la foi par cet amour. Tu aimes pour Allah, tu détestes pour Allah. Ce que Allah il aime, tu l'aimes, ce qu'il déteste, tu détestes. Tu as al-mahabba allati hiya shirkiyya, c'est le fait d'aimer autre que Allah, d'un amour qui revient à Allah. Ou peut-être même tu aimes plus cette chose que tu n'aimes Allah. Ça c'est le shirk. Mahabba shirkiyya. C'est-à-dire tu aimes Allah, tu as un amour pour Allah, cette chose-là tu as un amour plus grand encore. Comme dans le verset. Ça c'est le shirk akbar. Le summum de la mahabba, c'est l'ibada. Donc cela t'amène à faire du shirk. Ce verset revient à ça. Ça revient à expliquer le tawhid. Quand tu fais l'isbat pour Allah, tu osbites l'awel mahabba kathali, que tu l'aimes. Tu es obligé de l'aimer. Ba'da hadha qala al-mu'allif. Wa fi sahih an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, annahu qala man qala la ilaha illallah. وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودامه وحسابه على الله عز وجل رواه مسلم dans le sahih. Lorsque l'auteur dit dans le sahih, il peut vouloir dire par là Bukhari ou Muslim ou autre, dans ce qu'il voit comme étant authentique, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, celui qui dit la ilaha illallah et qui mécroit en ce qui est adoré en dehors d'Allah, alors son sang et ses biens deviennent illicites et son jugement revient à Allah Azza wa Jal. Et le hadith il est selon Sa'd ibn Tariq al-Ashja'i radiallahu anhu. Et dans une riwaya, le shir il dit qu'il a été dit man wahhad Allah, celui qui a unifié Allah. Qal hadha yubayyin ma'na la ilaha illallah wa annahu at-tawhid. Donc ce hadith te démontre qu'il y a la ilaha illallah, que c'est le tawhid. Wa qawluhu kafara bima yu'badu min dunillah, qu'il mécroit ce qu'il y a devant d'Allah. Ankara kullama yu'badu min dunillah wa a'taqada dhalika bi qalbihi haruma malu wa damuhu ay sara muslima yulzimuhu al-qiyam bi shara'i' illah. Donc cela est dit qu'il réprimande, rejette et désavoue ce qu'il y a en dehors d'Allah, wa al-kufran bi ta'ut, le kufran bi ta'ut, qui est la huitième condition de shahada. Et cela est dans son cœur comme croyance. Donc quand il aura fait cela, il aura beau avoir dit la ilaha illallah, faire des actes, tant qu'il n'aura pas le kufran bi ta'ut, qu'il mécroit ce qui est en dehors d'Allah, il ne sera pas musulman. Quand il aura mécru en cela, là ses biens et son sang deviendront illicites, il sera un musulman et il lui sera imposé d'appliquer la législation d'Allah. S'il n'a pas dit ce n'est pas un musulman. Le rabou le prononcé, ce n'est pas un musulman. Comme Cheikh Othamine dit dans le Qawl al-Mufid, que celui qui dit La ilaha illallah, le rabou fait le salawat, c'est de la zakat, faire le hajj, faire le siyam, et il pense que le din des Nasara et les sahih, ou il croit, pense qu'eux ils croient, ce n'est pas un musulman. Et d'ailleurs, ça c'est parmi les naraq de l'islam, qui est un aman, sahaha, madhhab al-batil, qui est authentique, c'est-à-dire qu'il voit comme étant vrai la religion autre que l'islam, lui, il aura mécru. C'est un aqid de l'islam. dire que la religion des Nasara, elle est vraie, c'est la marque de l'islam. Tu deviens kafir. Celui qui dit que la religion des Yahoud, c'est elle est vraie, ça fait toi un kafir. Même si ça fait tout le reste de l'islam qui va avec ton cœur, tu dis que le Yahoud, ce qu'il fait, c'est aussi valide, mais c'est notre religion, elle est valide, ça c'est des koufs. لأن الله عز وجل قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه celui qui recherche autre que la religion de l'islam cela sera rejeté il sera dans l'au-delà parmi les perdants وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام plein d'adilé te démontre que la seule religion qu'on a c'est l'islam donc c'est, non seulement tu affirmes que l'islam c'est la religion et en même temps, tu affirmes que notre religion, elles sont fausses. Et tu l'as dit, dans ton cœur, c'est ancré. C'est ancré. Et après, il dit, « Wahisabu ala Allah, son jugement revient à Allah. » C'est-à-dire, si jamais il était véridique dans cette parole, il ira au Jannah. Et si jamais il a seulement prononcé de la langue, dans son cœur, il n'y croit pas, c'est un munafiq. Et le munafiq, c'est quoi son hukm ?« Fi hadhi dunya » On se comporte avec lui comme un musulman, « Ou fil akhira ou fil nar » et dans le niveau le plus bas du feu. قال المؤلف dans le matin. فيه أكبر المسائل وأهمها. Donc là maintenant il cite les masaïl de ce bab. En fait. وهو تفسير التوحيد والتفسير الشهادة وبينها بأمور واضحة. Donc il dit justement que cela parmi les masaïl est la plus grande des masaïl parmi les plus importantes, ce qui est expliquer le sens de la ilaha illallah. Et que cela a été écrit par des choses qui sont claires. Minha ayatul Isra, bayyana fiha irad ala al-mushrikin alladhina yad'una as-salihin wa fiha bayyan anna hadha wa al-shirk wa al-shirk al-akbar. Donc il dit parmi cela le verset dans la sourate al-Isra qui est un rad aux mushrikin, ceux qui invoquent les salihin et que cela est le shirk akbar. Donc tout cela on lit là et après les autres abweb vont expliquer sayati al-tafsir baban baban. ومنها آية البراء يعني التوبة سورة التوبة تسمى également البراء بيّن فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أخبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وبيّن أنهم لم يؤمروا إلا ب لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا طيب أعيد وبيّن أنهم لا يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدة معنى تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية ولا دعاؤهم إياهم. Également il a parmi les masaïl que les gens du livre ont pris leur rabbin leur moine comme seigneur dehors d'Allah alors qu'il leur a été ordonné cependant de n'adorer qu'une seule divinité. Et c'est quoi le sens de ce verset qui n'a aucun problème qui n'ont pas invoqué leur moine et leur rabbin mais leur ont obéi dans la désobéissance, en rendant cela licite. Et non pas dans le dua. Ça revient à ce qu'on disait hier. Que tu as des gens, leur shirk, il n'est pas dans le dua l'iré d'Allah. وَمِنْهَا قُولْ الْخَلِيلَ عَلَيْهِ السَّلَاتُ وَالسَّلَامُ le kuffar إِنِّي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَانِي فَاسْتَثْنَى مِنَ الْمَعْبُودِينَ رَبَّهُ وَذَكَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّ هَذِهِ الْبَرَاءَةُ وَهَذِهِ الْمَوَالَةُ هِيَ تَفْسِيرُ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فقال وجعل كلمة وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. كبقية بعض إبراهيم عليه السلام lorsqu'il dit aux kuffars qu'il est innocent de ce qu'il adore en dehors d'Allah, hormis celui qu'il a créé. Donc il a fait exception en dehors de tous les adorés, il a fait exception à son Seigneur. Donc ce désaveu et cette alliance, c'est le tafsir de la ilaha illallah. Il s'est désavoué de ce qu'il adore en dehors d'Allah. Il s'est allié à Allah seulement. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله وكذلك également il y a parmi ces masaïl le verset de sourate al-Baqara de ceux qui ont pris des égaux en dehors d'Allah et qui les aiment comme on aime Allah. Et à la fin du verset, Allah dit que ces gens-là sont dans le feu éternellement. Donc il dit que ces gens-là ont aimé leur Anded comme ils aiment Allah. Ce qui démontre qu'ils aimaient Allah d'un grand amour, malgré tout. Et donc cet amour pour Allah ne les a pas fait rentrer en islam. Quand j'ai dit, moi j'aime Allah, naam, et tu aimes autre que lui, pareil ou ce n'est pire que lui, ou plus que lui. Donc aimer Allah ne suffit pas. Il faut aimer Allah seul dans cet amour-là et se désavouer du reste. Donc que dire de ceux qui aiment Allah et qui aiment leur undead plus que lui? Alors que dire pire que cela de ceux qui n'aiment que le undead, qui n'aiment pas Allah, qui n'aiment que le undead d'un amour qui revient à Allah seul? On va dire, wa minha qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, man qala la ilaha illallah wa kafara بما يعبد من دون الله حرم حرم ماله ودمه وحسابه على الله. Donc là, il recite le hadith de Sa'd ibn Tariq. Mas'ala pour ce hadith. هذا من أعظم ما بينه. هذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله. فإنه لم يجل التلفظ بها عاصما الدم والمال. بل ولا معرفة معناها مع لفظها. بل ولا إقرارها بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلى الله وحده لا شريك بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف لذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازيع. Donc il dit ce hadith parmi ce qui est de plus clair et de plus grand qui démontre le sens de la ilaha illallah. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas rendu le simple fait de le prononcer comme étant une chose qui préserve ton sang et tes biens. Même le simple fait de connaître quand même son sens de la prononcer ne suffit pas non plus. Même le fait de la reconnaître, de la consigner et de n'invoquer personne en dehors d'Allah seul sans associer, ne suffit pas pour rendre ton sang illicite et tes biens illicites, tant que tu n'auras pas ajouté à cela quoi? Le fait de mécroire en ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et s'il doute, il dit, tu doutes seulement de cela, ou tu t'abstiens, c'est-à-dire que cela est du kouf, alors là, ton sang et tes biens ne seront pas rendus illicites. Tu n'auras pas fait le tahqiq de la ilaha illallah. Il dit, quelle grande mas'ala que celle-ci, et comme elle est immense, et comme cela est un grand bayen qui t'écrase tout le reste, et comme argument, quand même, qui vient pour réfuter tout contradicteur. Parmi qui? Les gens de l'islam. Là, il fait allusion aux gens de l'islam, qui dirait, moi, je dis la ilaha illallah. Il dit, moi, j'aime Allah. Il dit, moi, je n'invoque pas en dehors d'Allah autre chose. Naam. Mais tu dis que les koufars, leur dîne, il est vrai. Ou tu doutes de cela. Donc là, ça ne fait pas de toi un musulman. Ala wa qasd al-mu'allif fi hadha al-bab. Donc là, on a pris le sens de la ilaha illallah, qui est nafi wa ithbat. Que tu affirmes la chose et que tu renies ce qu'il y a adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu renies toutes les autres religions et ses adeptes. Tu es innocent d'eux, tu le désavoues. Hada wa ajib alayk. Sans quoi, tu n'es pas un musulman, quoi que tu aies fait comme acte à côté de cela. Hada wa dessina al-yum. Mafouma hada. Faila huna. Walhamdulillahi rabbil alamin.